Z. Descendre de pique, ça jette la sacoche dans les ronces. Rechercher, ça laisse le charbon en gérance. J'ai des buts, j'crois mes projets, alors je fonce. À dire qu'il y en a qui tuent, qui viennent faire les condoléances. J'fais plus trop de vidéos, j'aime pas montrer, ça porte la poisse. Y'a plus de pitié dans la street, même ton client ça le froisse. Dans la vie, j'balade, j'suis vers les égalades. Je zone jusqu'à l'aube, y'a plus de bœufs malades. On s'arrête au snack, j'prends steak frites avec sauce pita. Beaucoup sont morts ou à l'hôpital à cause des balles de la guitare. On s'arrête au snack, j'prends steak frites avec sauce pita. Beaucoup sont morts ou à l'hôpital à cause des balles de la guitare. Tous les jours, ça fait des belles, ça fait des délits. Ça protège son quartier comme le cartel de Medellin. C'est à peine maintenant que je vois que ma vie s'embellit. On veut tous la ville avec son terrain de tennis. J'fais les flous, ouais le couze. J'ai la mentale, j'regarde jamais ton épouse. Viens dans mes shoes, j'm'écarte beaucoup des gens qui veulent me la faire en douce. T'aimerais que je frappe net d'un bebec. Ça peut chien, je fais le bec. J'écris dans les R6 break, j'fais pas de break. J'ai grandi dans le bloc, j'crois que j'suis mort, je rec. J'fais les becs, et j'fais pas le Tupac, j'ai plus de son que Drake, pas dans la coque. Lève-toi quand je kick, tu demandes pourquoi quand j'rappe, tu t'en visais. Comme si j'pointais sur toi une hack et tag. Ferme ta putain de gueule ou tu vas te prendre des taquets. Y'a jamais eu de guerre, pourquoi tu veux qu'on fasse la paix? Pas de CZ dans la maison, gros, j'ai posté la sécu. Mon sang, tu m'as fait bouillonner, j'peux te dire que là c'est cuit. J'ai pas la vie de mi gosse. J'suis dans des plans, comme mes millions dans la camouflé dans la ZOE, mon poteau il me fait des pattes. C'est pas parce qu'il me rend des services que je le prends pour une pute. C'est pas parce qu'il me rend des services que je le prends pour une pute. C'est pas parce qu'il me rend des services que je le prends. J'ai pris la batte, je l'ai mis en dessous du lit. J'aime quand elle sort de la douche qu'elle a les cheveux ondulés. Moi je suis toujours resté le même, fais pas attention à ce que tu lis. Ma race va en mission, c'est pour le bébé et mon culé. Elle me vise en plein cœur, au bout du canon y'a la tulipe. Elle me dit je veux pas que tu partes, quand t'arrives là-bas tu me bip. J'en ai pas vu qui m'ont dit Joe, t'as changé tout tu rap. Ils m'obligent à porter le masque, après ils me disent que je suis libre. Vous deux c'est mort, parce qu'il y avait plus d'alchimie. Faut se dire qu'il y a plus grave, y'en a qui souffrent de la chimio. Dans ma tête c'est carré comme la Chine. Je m'élargis, et je sais qu'il faut pas tout mélanger. Mais imagine si demain je coule, je refuse d'échec. Alors que je sais que je suis bien toute ma vie. Si je revends de My World à la machine. Je viens de la jungle, le check dans la chambre. Dans la chambre. Et depuis le corona, moins de ça se check de la jambe. De la jambe.